Unité 4, leçon 1, exercice 31. Reformuler sur le même modèle. Exemple. Tu sais, il travaille dans l'informatique. Ah oui, il est informaticien. À vous. C'est lui qui défend les gens au tribunal. Ah oui, il est avocat. C'est lui qui m'a appris à faire du ski. Ah oui, il est moniteur de ski. La décoration de l'appartement, c'est lui qui l'a refaite. Ah oui, il est décorateur. Tu sais, il accompagne des groupes sur des circuits touristiques. Ah oui, il est guide. Elle s'occupe beaucoup des gens qui sont en difficulté. Ah oui, elle est assistante sociale.